Bonjour, direct du samedi 19 novembre. Donc, il n'y a personne, c'est normal. Ah, on dirait qu'ils ont de la difficulté encore, YouTube. Bon. Donc, je vais attendre que les gens arrivent un petit peu, parce que c'est un petit peu par habitude, par exercice que je fais mon live le samedi matin. Puis, je veux pas nécessairement de sujet. Ah, il y a une personne. Bonjour à vous. Donc, par rapport à bon, ce qui se passe en ce moment, je dois vous avouer, je n'ai pas beaucoup regardé dernièrement. Puis, bon, c'est toujours les mêmes. Je regarde un petit peu là, les choses habituelles. Bon, il y en a un qui vient de s'en aller. Ben là, hey, donnez-moi une chance. Bonjour, ah, bonjour Marie-Jeanne. Bon, ah, il y a quelqu'un qui. Bon, il y a à nouveau deux personnes. Donc, c'est sûr, c'est certain, si vous avez des choses là, que. Bon, comme les dernières vidéos que j'ai faites, c'est important de comprendre que moi, je n'ai rien contre les catholiques ni contre la messe. Absolument rien. Les choses que j'ai pour lesquelles j'ai des choses contre. Bonjour, Max. C'est quand on va dire des choses qui ne sont pas réelles dans un but, comme si la fin justifiait les moyens. Ça, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas ça parce que c'est mauvais signe. Hein? Ça va un petit peu. Bonjour, Lucie. Donc, non, j'ai rien contre ça. Au contraire. Mais au contraire, mais il reste que. On ne peut pas en faire la promotion en mentant. Ça ne marchera pas. Même en disant la vérité, ça ne marche pas. Donc, imaginez, là. Bonjour, Sébastien. Bonjour, Isia. Bonjour, Virginie. Bon matin, Lindus. Vous devez être en Europe. Ben, Max, je pense qu'il est au Québec. Mais vous devez être en Europe parce que, bon, ce qui arrive ici, c'est que souvent, hein, les gens festoient un petit peu le vendredi. Puis le samedi, ils sont pas debout. Tôt comme ça, là. Mais moi, le samedi, je me lève. Oui. Moi, j'ai bien passé. Fais le québécois. Ah bon, OK. Ben oui, ben c'est pas tout le monde hein, qui. Bon. Mais moi, personnellement, il fallait festoyer, là. Ben non, ici, au Québec. OK. Ben oui. Ben, je sais qu'il y en a pas mal, là, aussi. Bonjour, Malia. Donc, moi. Ouais. Vous savez, à un moment donné, j'écoutais. Vous savez que j'écoute des prêtres, j'écoute des imams, j'écoute toutes sortes de monde. J'écoute des rabbins. Puis à un moment donné, c'est un rabbin, il dit le samedi dans la culture occidentale, c'est le jour de Saturne. Puis il y a une certaine lourdeur, puis une certaine tristesse. Puis eux, ils n'ont pas le Shabbat. Ça fait qu'ils essayent de. C'est pour ça que, bon, le samedi, 14h34 à Toulouse. Ah, bonjour, Virginie. Donc, bon. Oui, il y a quelque chose comme ça. Pourquoi qu'il y a 7 jours de la semaine? Ben, parce qu'il fallait cycler. Il fallait calculer les cycles. Mais aussi, il y a des cycles naturels, semble-t-il. Donc, d'une certaine façon, la semaine existait avant qu'on la. Elle existait en tant que structure naturelle. Si on peut dire bonjour Betty, bonjour Mimi. Donc, on dirait que, bon, c'est vrai que le samedi, il y a beaucoup de gens qui broient du noir un petit peu. Le dimanche, quand j'étais enfant, le dimanche, c'était la journée la plus lourde, que je trouvais la plus lourde, la plus ennuyante, parce qu'il y avait de l'école le lendemain, puis rien de bon à la télé. Quoique, moi, j'aimais ça, les beaux dimanches. Second regard, la semaine verte, j'écoutais tout ça, étant enfant, ça faisait partie des émissions que j'écoutais. Mais c'est vrai qu'étant enfant, quand j'y repense, j'avais pas. Ce que j'écoutais, c'était des émissions d'intérêt public, des émissions de service public, comme, bon, j'écoutais Téléservice, Télé-Québec, des choses. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent, avant Claire Lamarche, il y avait eu droit de parole. C'était spécial. L'angoisse du dimanche après-midi est très partagée, oui. Puis finalement, ça a fini par devenir une de mes journées préférées. Donc, en parlant de septième jour de jeûne à l'eau, bon, ça commence à faire beaucoup. J'espère que vous mangez quand même des légumes, là, un peu, quelque chose. Je n'ai jamais vu, quand je lisais, bonjour Clémentine, quand je lisais sur bon, des vieux ouvrages qui parlent justement de certaines pratiques, bon, même si c'est des choses que je déconseille, j'ai beaucoup lu sur ces choses-là. Puis les jeunes, il était quand même recommandé de manger des végétaux, là. Enfin, juste boire de l'eau, ça peut éviter des maux de tête, d'être bien hydraté. J'ai eu un cousin, que je n'ai pas de nouvelles depuis longtemps, qui, à un moment donné, il a fait venir l'ambulance parce qu'il avait des maux de tête épouvantables, mais c'était quelqu'un qui avait des habitudes de vie terribles, puis il était déshydraté, tout simplement. Puis les ambulanciers s'en sont rendus compte. Puis je pense qu'ils lui ont administré quelque chose en soluté. Ah, bonjour, amour, vérité. Donc, vous ne trouvez pas ça comme polarisant un peu? Bon matin, Mel. Bon, non, je n'ai rien à dire. À un moment donné, les jeunes se doivent. Les jeunes secs doivent se faire sous encadrement médical. Ouais, ben, ça dépend, là. Je constate que vous avez du nouveau matériel. Oui, ben, ça fait un petit bout de temps que je les ai. Puis, bon, c'est la chaîne, là, Supramental Berthold qui me l'avait conseillé. Je ne suis pas très professionnel, hein. Je ne suis pas très. Donc, plus je pense pas. C'est des choses auxquelles je pense pas. C'est ancien, sinon, ben, au moins, c'est quand même bien. C'est mieux que. On voit tellement de choses. Non, que de l'eau et ensuite juste verre pendant les prochains jours pour me préparer au jeûne pranique que j'ai déjà pratiqué. OK. Vous devez avoir de l'intérêt pour ce qui est la médecine indienne. C'est bon. C'est certain que oui, en Inde, ils ont une certaine tradition. Ils savent des choses, on ne peut pas leur enlever, là. Ils savent des choses. Pareil pour les Chinois, c'est tellement. Moi, c'est là où je deviens impressionné. Impressionné. Gérald Saint-Onge, il a fait une vidéo courte. Il faut lire les commentaires. Une dame parle de soleil. J'ai bien rigolé. Ah, je ne connais pas ce monsieur. Juvert, oui, ben j'avais compris là, que c'était. C'est dans ma passe un peu ésotérique. Moi, ben ça, on n'est plus dans juste l'ésotérisme, là, il y a une pratique. Mais bon, c'est sûr, ça dépend tout le temps. J'ai tout le temps été ben critique par rapport à tous les types d'ésotérique. Une fois, il y a une dame qui était venue chez nous, puis elle avait une patente, là, qu'elle voulait me montrer ça, là. C'était l'idée de la destinée. Je regarde ça, je sais quoi, là. C'est quoi? Elle est allée un petit peu trop loin dans son ésotérisme, la dame. Puis savez-vous ce qui est étrange? C'est que cette dame-là, elle a parfaitement embarqué dans ce qui s'est passé les deux dernières années, puis là, ben, elle est malade. Donc, bon matin, osez changer. Donc, moi, je n'ai pas vraiment de sujet là, ce matin. Alors, la nouvelle affaire est de confiner des étudiants de cégep. Ouais. Ça ressemble à des exercices, hein? C'est spécial. C'est spécial. On dirait à ce temps, les jeunes, s'ils ne veulent pas aller à l'école, ben, ils font dans la montagne, il y en a, ils faisaient des alertes à la bombe pour que l'école ferme. Mais aujourd'hui, ils ferment l'école avec les élèves dedans. Bon. J'ai trouvé. Tes trois vidéos du 17 novembre, extrêmement juste. Ah ben, merci. Wow, j'ai tout du chiolage, là. Il y en a qui ne sont pas contents. Dans ma ville, c'était au secondaire 1 à 5. Ah, que vous parlez que. Ouais, ben, je me souviens, moi, d'une prise d'otage quand j'étais au secondaire. Puis ça a fait le tour, hein. la province. Ça n'a jamais été tiré au clair, ça. Ça n'a jamais été tiré au clair. Il est arrivé un élève avec une carabine. Puis il voulait prendre sa classe, mais le professeur en otage. Il en avait contre le professeur. Un professeur de mathématiques. Puis il n'a pas été chanceux. Moi, je pense que le professeur, il se doutait de quelque chose parce qu'il n'est pas venu cette journée-là. Il a callé malade. Puis c'est un remplaçant qui s'est fait prendre en otage avec les étudiants. Puis ce professeur-là, on le connaît de réputation, puis c'est un homosexuel. Donc, c'est très étrange, très étrange. Moi, je pense qu'il y a eu une histoire de cœur avec un étudiant. Puis quand l'étudiant, il a rendu compte qu'il était abusé, dans le fond, qu'il se faisait manipuler, ben il est arrivé à l'école avec une carabine. Puis le professeur s'en doutait parce qu'il a callé malade ce matin-là, puis c'est un remplaçant qui s'est fait prendre en otage. Mais ça n'a jamais été tiré au clair, cette histoire-là. Puis moi, je dirais même que ça a été couvert. C'était moi. Cégep, ça veut dire quoi? Les cégeps, c'est l'enseignement postsecondaire au Québec. C'est une invention québécoise qui existe juste au Québec. Au Québec, vous êtes obligé d'aller dans ces institutions-là, les cégeps, avant d'aller à l'université. Vous pouvez pas passer directement à l'université après le secondaire. Donc, ça fait partie du collégial, du postsecondaire. Les jeunes sont traumatisés, c'est 13 ans quand même. Secondaire, ben, il y a de quoi? Il y a de quoi? Ils sont bombardés d'informations de tueries, puis les journalistes, là, ils sont, dès qu'il y a une tuerie ou quoi que ce soit, ils en parlent, puis ils en parlent, puis ils en parlent, puis ils ne comprennent pas les phénomènes de contagion mentale. Ils ne comprennent pas qu'au fond, ils contribuent à faire qu'il y en a. En tout cas, je vais vous raconter pourquoi, à un moment donné, j'ai fait couper la télévision en 2005. Cégep, c'est après le secondaire, oui. Pas le lycée pour vous. Moi, mais pas tout à fait. Bon matin. On a vraiment un mauvais système au Québec. Moi, les cégeps, j'enlèverais ça. Totalement inutile. Tu remets un vrai. On refait des vraies écoles, hein? Avec des vraies compétences, qui c'est pas de l'idéologie, c'est du concret, du pragmatique, puis on n'a plus besoin des cégeps. Les jeunes pourraient aller à l'université directement. C'est juste au Québec que ça existe, ça, les cégeps, c'est une connerie. Moi, je considère ça comme une connerie. Au Québec, nous n'avons pas de 6e et 7e année, la polyvalente, on a le cégep à la place. Moi. Mais il reste que, bon, il y en a qui pourraient passer directement à l'université, là. Ils sont pris au cégep pendant 3 ans. Il y a un champ d'études dans lequel je voulais m'en aller, puis quand j'ai vu qu'il fallait que je fasse plusieurs années de cégep avant d'aller à l'université, j'ai dit non. Non, non, non, non, non, il n'y en a pas question. Ah, bon, ben, de rien. Je sais. Ah, OK, vous parlez. Oui, je suis d'accord, ça décourage bien des jeunes. Je travaille dans un cégep. Ah oui, c'est des emplois. Je suis passé de mon DEP à l'université. Ah, bon. Le cégep décourage les jeunes. Ben, il y a de quoi. Il y a de quoi. Je vais vous raconter comment j'ai fait couper le câble en 2005, puis j'ai mis ma télévision aux poubelles. J'écoutais la télévision, j'écoutais je sais plus quoi, puis là tout d'un coup, ça a coupé, puis on voyait le journaliste Tranchemontagne, je me rappelle plus de son prénom, Benoît Tranchemontagne, ça se peut-tu? En tout cas, un monsieur gros souillet, là, qui était journaliste, puis il piétinait, puis il était tout énervé, puis il tenait son micro, puis il savait pas qu'il venait de tomber en direct, mais il se préparait à tomber en direct pour un communiqué spécial parce qu'il se passait quelque chose. Il était tout énervé, Benoît Tranchemontagne. Puis il était clairement excité là, de couvrir un événement, là. Puis il piétinait, puis je le regardais, puis finalement ça a recoupé, c'est retourné à l'autre émission, puis après il y a eu l'émission spéciale, puis j'ai su pourquoi il était là, Tranchemontagne. C'est parce qu'il y avait une tuerie au collège Dawson. Il y a un fou qui était rentré puis qui tirait sur le monde. Puis Tranchemontagne, il était tellement excité de ça, les journalistes étaient tellement sur l'adrénaline de couvrir ça, puis ils étaient tellement clairement excités là, que ça m'a écœuré. Ça m'a écœuré, puis j'ai fait couper le câble cette journée-là. Je suis allé à la compagnie qui me fournissait, j'ai dit, vous me coupez ça aujourd'hui. Puis la personne, elle me dit, la jeune fille, elle me dit, ben, dans ce temps-là, on avait le même âge, là, mais elle me dit, quand je le regarde d'aujourd'hui, bon. Elle me dit, vous avez payé pour tout le mois, donc ça donne rien de le couper tout de suite. Ben, j'ai dit que vous le coupiez ou pas, moi, la TV, elle s'en va aux poubelles. C'est fini. Ça, c'est en 2005, puis j'ai plus jamais. de mon propre gré. Avec expérience dans le domaine d'études, c'est le Parti québécois qui ont créé les cégeps. Ben oui, comme ben des conneries. Bon, je veux pas froisser les nationaleux, là, mais le Parti québécois, pour moi, c'est une arnaque. De bien des façons. Bon, en tout cas, ben, les partis politiques en général, heureuse de ne pas avoir perdu mon temps dans un cégep. Ben, qu'est-ce qu'ils font les jeunes au cégep? Ils apprennent à être superstitieux, à fumer du pot, à faire la fête. Chez nous, c'est mieux. Première classe, deuxième, jusqu'en huitième. Et après, vous allez 3 ou 4 ans plus tard d'université. Et plus loin chez nous, c'est beaucoup moins compliqué. Ben oui. Prenez juste les impôts au Québec. Les Français qui viennent au Québec, ils déchantent rapidement. Hein. Vous pensez que la maison des fous dans Astérix, c'est juste les fonctionnaires en France, que c'est comme ça? C'est pire ici. Au Québec, faire un rapport d'impôt, c'est tellement compliqué que vous pouvez pas le faire vous-même, c'est quasiment impossible. Ça vous prend à tout prix un fiscaliste ou une comptable ou un comptable. Je portais à dire une comptable, parce que j'ai tout le temps pris des comptables femmes. Mais faut le faire, vous n'avez pas le choix. Tandis qu'en France, c'est assez simple à ce qu'on me rapportait les impôts. Mais ici, là, tout est compliqué, puis c'est voulu comme ça. C'est voulu comme ça, c'est pensé pour être comme ça. C'est une façon de perdre les gens. Puis, comme on a droit, chaque année, là, ils font des annonces. Là, on va mettre 300 quelques millions dans un programme, puis ça va être disponible pour les gens qui ont besoin de telle ou telle chose, blablabla. Mais même les montants d'argent auxquels vous avez droit, ils s'arrangent pour que vous ne le sachiez pas. Donc, vous ne le demandez pas. Donc, ça reste dans les caisses. C'est, ouais, formaté aussi. Ouais. Bonjour, Didier. Donc, bon, est-ce qu'il y avait des choses là, que vous voulez aborder? Moi, je n'ai pas vraiment d'idée. Ce matin, là, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé les journaux, mais le samedi, les journaux, là, il y a Trudeau est en Asie parce que Kim Jong-un lance des pétards. Voyons, voyons. Ah oui, on a vu Kim Jong-un, on a vu sa fille. Sa fille, hein, elle a l'air d'un beau gros bébé potelé comme son père. Une espèce de Bouddha de restaurant chinois. Ben, voyons. Comme chez les Français, c'est sixième et après vous descendez. Tout est inversé. Mais non, le système québécois, je le trouve particulièrement inutilement compliqué, que ce soit dans l'éducation, que ce soit au niveau de la fonction publique, la fiscalité. Trudeau, moins. Moins. Ça fait parce que ça fait un jeu de mots, mais tant qu'à moi, plus un trou d'autre chose. Parlez-nous de la différence entre la dimension astrale et la dimension éthérique. Ben, la dimension astrale, c'est parce que c'est restreint, tandis que l'éthérique. Mais il reste que l'éthérique sert de support à tout. Donc, oui, l'astral est enregistré, ce qu'on pourrait appeler dans les états. Mais les états, c'est plus vaste. Dans le fond, c'est pas si compliqué, là. Il y a beaucoup de confusion autour de ça. Ouais, ben, c'est des principes, comme par exemple l'éther, dans les premiers qui en ont parlé beaucoup, il y a des affaires comme les théosophes. Puis, ils en ont mis pas mal. D'ailleurs, l'affaire de double éthérique, ça nous vient des théosophes. Hein? Il y a pas grand... Le meilleur du monde pense que ça vient de Bernard de Montréal. Bernard, il a utilisé une forme pour parler de quelque chose, puis il en a parlé différemment. Puis, c'est pas la seule chose, là. Chez Bernard de Montréal, il y a une certaine influence au niveau des formes de Madame Sergery. Ceux qui ont connu Madame Sergery, ben, qui ont connu ça, il y a peut-être des gens âgés qui l'ont connue. Madame Sergery, elle, c'est une dame qui était beaucoup influencée par la cosmogonie d'Urantia. C'est une dame de la mouvance des années 50, là. Puis il y a une influence de ça chez Bernard. Bon, la cosmogonie d'Urantia, je ne l'ai jamais lu. C'est trop gros puis trop cher. Il n'y a pas ça dans la bibliothèque à louer. Mais qu'est-ce que j'avais pu lire un écran? J'ai bien de la misère. Je ne suis pas capable. De toute façon, je ne lis plus. Je ne lis plus. Mais qu'est-ce qu'il y avait à part la cosmogonie d'Urantia? Ouais, vous avez les écrits de la Bezette et de la Blavatsky. Ça peut remplir toute une bibliothèque. Puis ça m'intéresse pas. Mais Bernard, il a repris le vocabulaire. Donc, par rapport au confinement dans les écoles, les parents sont furieux de ne pas avoir été avertis, sauf par la radio, quand leurs enfants ont pu les appeler. Voilà. Moi, je vous le dis, moi, je vois des expériences là-dedans. Hein? C'est, je le sais, ben franchement, là. Peut-être vous n'aurez pas trop d'expérience comme ça en France, McKinsey vient de sacrer le camp. Ici aussi, il y a un scandale McKinsey, mais les Québécois étant moins dégourdis, ils sont moins en colère, donc ça reste, ça partira pas. L'administration française est bien kafkaïenne. Ouais, ben, comme le procès de Kafka, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a des gens, ils ont été mis en garde à vue, ils ne savent même pas ce qui se passe. En tout cas, le 19 et pas le 29. Ah, est-ce que j'ai dit le 29? Est-ce que j'ai mis le 29? Ah, je vous avoue, je n'ai pas remarqué. Si c'est le cas, si j'ai mis le 29, ben, je le corrigerai. Blavatsky. Vous ne connaissez pas Elena Petrovna Blavatsky? Pourtant, elle nous a pollués pour des siècles, elle. Elena Petrovna Blavatsky, elle passe souvent pour une Russe, mais au fond, c'était une Ukrainienne. C'était une Ukrainienne, mais qui venait d'une famille d'origine russe. Puis elle, bon, disons qu'elle avait une personnalité, une aventurière, si on peut dire. Elle a même été dans le Far West, dans le temps des cow-boys, elle aurait participé à des, imaginez, là, des vols de banque. Elle est venue au Québec, elle s'est promenée pas mal. Mais elle nous a pollués pour des siècles. Puis bon, on va sûrement passer à travers. Hein? Tu as déjà parlé du fait que n'avais plus beaucoup de distractions dans la vie ou d'intérêts. Ça m'a parlé quand je me sens un peu comme ça. Ben oui. Ah oui. À un moment donné, ben c'est pas qu'on n'a plus d'intérêt, genre comme quelqu'un qui s'ennuie. C'est juste que c'est plus les mêmes besoins. C'est plus les mêmes besoins. Puis bon. Moi aussi, expérience, et c'est très inquiétant. Ah, je n'ai pas de quoi vous parler. Bonjour, Miss May, Clémentine. Ils formatent les jeunes à des exercices de confinement dès les premières années du primaire. Ça, effectivement, l'heure d'expérience. Ben oui, c'est comme dans les années 50, qui vous disaient, là, en cas d'attaque nucléaire, là, tu te mets sous ton pupitre puis tu fais ça. Dans le fond, le but, c'est de formater les gens pour les rendre dociles et obéissants. Ça n'a rien à voir avec les protéger. Parce que si une attaque nucléaire, c'est pas en vous recroquevillant sous un bureau que ça va changer quoi que ce soit. En fait, c'est pour évacuer de l'angoisse, entre autres, en donnant quelque chose à faire, en occupant. C'est tout ça, c'est de la psychologie de masse, c'est du comportementalisme. C'est un peu comme... Dans certains types de transports, ils vont avoir le personnel est formé pour occuper les gens si, qu'il arrive quelque chose. Donc, comme dans les avions, là, les consignes, puis restez assis, blablabla, prenez votre masque oxygène, respirez lentement. Bon, ça change rien hein, pendant un crash d'avion, ça. En tout cas. Il avait l'air d'y croire, BDM, à la cosmologie d'Urantia. Ben oui, puis il croyait même à l'ange Moroni qui avait visité Joseph Smith. Puis moi, je crois à rien de ça. Je vous le dis tout de suite, je crois à rien de ça. Puis Bernard, ben, contrairement à beaucoup de monde, moi, je l'idolâtre pas comme une espèce d'initié. Pour moi, c'est rien qu'un être humain. Mais qui avait des phénomènes psychiques, un sujet effet psychique. Mais je ne l'ai jamais mis au-dessus de. C'est juste qu'il apporte il apporte des sujets qui ne sont pas abordés. Puis il a dit des choses, il a parlé de des façons que j'avais jamais été parlé. Donc, surtout. Mais Bernard, il croyait à plein d'affaires que je crois pas. Donc, puis lui-même était là, faut pas croire. Puis là, il parlait à Joseph Smith qui recevait l'ange Moroni. Voyons, là. Joseph Smith, là, c'est de l'estime. Bon, je ne veux pas choquer les Mormons, là, mais moi, j'embarque pas là, là-dedans. Je ne suis pas capable. Là. En plus, un prophète qui se fait lyncher par la foule. Là. Hein? Un prophète, bon, c'est pas supposé se faire lyncher par la foule. En tout cas, hein, les expériences, en font de plus en plus. Ben oui, programmer le monde, ouais, c'est du conditionnement. Le vrai terme, là. Ben, il y a une mise en condition, puis là, il y a la programmation. C'est un peu comme l'hypnose. Il faut mettre la personne dans un état second pour la suggestionner. Mais les mêmes principes. C'est les mêmes principes. Puis, bonjour, Laurence. Marie-Jeanne, ils ont besoin de peuples soumis qui obéissent, peuples qui consomment et réfléchissent. Pas de cette façon, ils gagnent. Ouais, bah. C'est une guerre dans laquelle il n'y a pas de gagnant, finalement. Mais ça, on va s'en rendre compte à long terme, peut-être. Je lis la psychologie des foules et j'ai commandé Le Prince. Ah oui, est-ce que vous avez d'autres lectures intéressantes? Ben, il y en a tellement de choses. Il y en a tellement de choses intéressantes. Surtout, ben, Gustave Le Bon, tous ses livres sont intéressants. Puis bon, Machiavel, bon, Le Prince, parce que c'est vraiment une synthèse. Bon. Finalement, moi, je soupçonne Machiavel d'avoir étudié l'histoire un petit peu, entre autres, de l'Europe. Puis Le Prince, en lisant Le Prince, c'est difficile de ne pas penser à Louis XI. Mais qui est régné bien avant que Machiavel écrive Le Prince. Mais bon, ben oui, les Mormons. Les Mormons, c'est surprenant. Les Mormons sont parmi les généalogistes les plus compétents dans le monde. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils baptisent les morts. Pour ça, il faut faire de la généalogie. Donc, les parents avec leurs lois ont moins de droits que les institutions. Moi, vous parlez... Ben oui. Ben, vous le voyez, là, vers quoi on s'en va. Moi, mais juste une forme de communisme, ça. Dans le sens qu'on est en train de nationaliser la population comme si c'était une ressource qui appartient à l'État. Puis, bonne valeur, là, mais bon. Le peuple appartient au peuple. Ben oui, mais il y a peuple puis peuple. Qu'avais-tu dire, Lucie? Les parents, OK. Ils ont, ben, elle parle de la primauté parentale qui était. C'est ça, la primauté. Où la trouve-t-on, cette loi? En mode source. Ouais. Si vous êtes au Québec, tout ça est disponible. Vous connaissez les publications du gouvernement du Québec? C'est des petits livrets perforés, là, qu'on peut les mettre tous dans des gros cartables. Puis chaque comme vous avez les livrets relatifs à les lois sur le zonage agricole, vous en avez relatifs à les lois commerciales par rapport à, bon, vous avez relatifs à les règlements de la régie du logement, puis c'est tous des petits livrets comme ça, c'est des publications. Puis ça se trouve, il y a des papeteries qui tiennent ce genre de livres-là, qui sont des publications du gouvernement, puis dedans, vous avez toutes les lois. Vous avez toutes les lois détaillées, parce que c'est plus suffisant là, d'avoir un code civil. Là. Il y a trop... c'est trop vaste, là. Charles Sabourin, en parlant de BDM, dit qu'il y a le avant 1985 et l'après 85 BDM, savait qu'il a été dupé parfois. Ben, j'espère. J'espère. Mais bon, Monsieur Sabourin, j'en prends puis j'en laisse sur sa grande amitié. J'en prends puis j'en laisse. Pourquoi pas sur parole surtout? Parce que il y a des choses rapportées par des gens qui ont connu Bernard, puis ça se contredit un petit peu. En tout cas, ben là, c'est pas grave, là, mais si vous prenez les témoignages de Jean-Luc en France qui a hébergé Bernard, il ne nous décrit pas la même personne que Sabourin. Donc, bon. Et oui, au Québec, on est mal à manger. Oui. Merci pour l'info. Ah, ben, de rien. Bonjour Berthold, ton titre est 19 novembre au lieu de 29. Quoi, j'ai écrit 19? Ben, c'est le 19, on est le 19. Ah, ça devrait être correct. Ben, je verrai là, si je le modifierai. Là. De toute façon, ouais. Pourtant, je m'imaginais que le Québec était beaucoup plus ouvert. Ben non. Ben non. C'est le cas. Ça ressemble à l'Australie un petit peu, hein? Dans le sens, bon, on est une colonie britannique, puis ça se sent. Puis les gens sont très, très. Prenons au Québec, il arrive un autobus ou du transport en commun, les gens vont tous se mettre en file un derrière l'autre. Puis il n'y a personne qui se pousse, il n'y a personne qui. C'est le côté britannique. Puis ça, ben, ça nous nuit. Ça nous nuit. Les gens se conforment, sont conditionnés à un point que. Bon. Puis même quand c'est du conditionnement à l'envers, comme par exemple, là, toutes les maudites modes ridicules qui arrivent d'Angleterre puis des États-Unis, les jeunes embarquent là-dedans. On se ramasse avec un vrai cirque. Ça, c'est ce que j'appellerais du conditionnement à l'envers, c'est-à-dire qu'il va y avoir une révolte contre la conformité, qui est une forme de conformité encore plus sournoise. En tout cas, je le vois comme ça. Bon matin. OK, bon, ben, j'espère que c'est pas grave. C'est parce que je suis tanné, le mois de novembre. J'ai hâte que ce soit fini. J'ai hâte qu'on soit vraiment en hiver. Ça fait de nous des conformistes. Moi. Ben, même, prenez le complotisme, il y a du conformisme là-dedans. Je veux dire, c'est dogmatique, là, certains. C'est comme s'il y avait des écoles. Donc, je comprends mieux. Ah, ça dépend de quoi. Je vois pas. Je lis tous les livres que mon enfant doit lire en classe depuis sa 6e année, et ce sont des livres d'une violence inouïe, très déprimants et bien au-delà de leur âge. Ouais. Ben oui, ça leur tente pas de leur faire lire des petits classiques, là, je sais pas, moi, L'île au trésor. Bon, moi, j'ai jamais lu ça parce que ça a l'air plate, mais c'est mieux que ce qu'ils leur donnent à lire, là. Donc, bon. Nous sommes un peuple de socialistes. Oh oui. Oui, ça c'est vrai. Faire peut-être que tu as hâte de voir la fin novembre arriver. Ben oui, j'aime pas beaucoup le mois de novembre. À les réunions, il y a depuis quelques semaines plusieurs personnes qui, au volant de leur voiture, font des malaises et des crises cardiaques. Ben oui. Ben, on a des gens qui font des ACV en direct à la télévision. Hein? Je n'ai jamais vu ça. Ça n'a du jamais vu. Prenez, il y a même un avocat là, pendant la commission sur le convoi de la liberté, puis ils n'en ont pas parlé aux nouvelles. Il n'y a personne qui en parle. Il est tombé direct, paf! Ah bon, c'est nouveau, d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Ben franchement, là, je vais être franc avec vous autres. Les gens qui ont été assez naïfs pour se faire avoir, puis embarquer là-dedans, puis collaborer à ça, puis quand ils font un ACV, ça me fait un petit peu moins de peine que si c'était d'autres morts. C'est comme s'il y avait une loi là-dedans de sélection naturelle. Puis quelque part, ça me met en colère parce que ça me met en accord avec ce que je déteste le plus comme idéologie. Mais il reste que c'est ça pareil. Si vous êtes assez cave pour faire ça 5, 6 fois de suite, là. Puis moi, je me rappelle la première fois qu'il parlait pour le premier. J'étais en entrevue avec David Lavaigne, j'avais les cheveux jusqu'ici, puis je disais, parce qu'on n'avait plus le droit d'aller dans le bon. Puis je lui disais, j'ai dit, non, non, après, ça va être un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis ça va être des abonnements à vie. Comme des porcs, comme un élevage de porcs standardisé que tous les mois, tous les temps de mois. Puis si le monde sont assez caf pour embarquer là-dedans, ben ils montrent un petit peu l'échec. L'échec de leur discernement en tant qu'individu. Puis il y a là, si on peut dire, une sorte de loi naturelle de sélection. La fameuse entrevue de Joe Cattelier dans les années 80 qui disait « Ouais, mais on ne peut pas faire passer un test de QI à toute la population. » ils l'ont fait, hein? C'est incroyable. Incroyable. Mort subite de l'adulte. Ben oui. Ben moi, je disais ça à la blague il y a quelques années, quand il y avait certaines choses que la mort était inexplicable parce que ça arrangeait des gens au placé. Je disais, ah, ça doit être une mort subite du nourrisson. Mais finalement, ils ont inventé mort subite de l'adulte. Prenez la surmortalité qu'il y a en Espagne, en Italie, en France, en Autriche, au Canada. Oh, c'est à cause des changements climatiques. Les arbres de Noël font faire des crises cardiaques. Bon, OK, il y a des liens à faire. Ben oui, chez nous, en France, au collège, les élèves doivent lire Robinson ou La vie sauvage. Mais Robinson, ça, c'est un roman d'un Britannique, ça. Robinson Crusoe. Avec tous les classiques que la France a, ils font lire des Britanniques. Hey! C'est Defoe, ça, qui écrit ça? C'est pas un français. L'ignorance est mortelle. Je dirais que c'est l'inconscience qui est mortelle. L'ignorance peut même être salutaire parce que la connaissance peut être une forme d'ignorance très sophistiquée. Les émeutes de Montréal, Nord de 2008, drôle de parallèle avec George Floyd en 2020, ingénierie sociale testée d'abord au Québec comme terrain d'essai. Ben, regardez ce qui est arrivé dans les cités en France. Oui, ils embarquent leurs enfants dans cette folie, ben oui. C'est, malheur à toi, pays qui est gouverné par un enfant, ça c'est dans Ecclésiaste. Que la faute du père retombe sur le fils. Ça, c'est un petit peu encore plus au début. Hein, les idiots vont aller d'eux-mêmes à l'abattoir. C'est ça qu'Athalie dit. Donc, on peut se douter qu'un jour ou l'autre, il va passer à l'abattoir. C'est juste qu'il ne s'en rend pas compte. Mais la vérité sort de la bouche des enfants. C'est un petit peu comme un enfant. Des enfants d'Abraham. Des gens, ils ont accepté pour faire comme tout le monde, parce qu'ils ont la touille de maladie et de la mort d'accepter pique. J'ai réfléchi à ça, puis je me suis dit, peut-être que le fait que j'ai aucune peur de la maladie ou de la mort, ça a peut-être joué. Donc, bon, beaucoup de mes proches triple injectés commencent à développer des pathologies étranges et soudaines, c'est quand même dur à encaisser. Ouais, j'ai une tante en ce moment, elle est à l'hôpital, puis elle est tout le temps rendue à l'hôpital, elle a des douleurs abdominales, puis elle ne trouve rien. Regardez le sang, hein? C'est très irrigué au niveau de la vascularité, les viscères, et puis bon. Je pense, je ne suis pas médecin, mais je pense, moi, je le trouverais avoir accès à des, au matériel puis à des techniciens pour faire les tests, là. Ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs, de faire des diagnostics qui étaient infirmés par des médecins, puis beaucoup, beaucoup plus tard, finalement, après des tests, puis plein de recherches, puis plein de pertes de temps et d'énergie, confirmaient mon premier... Désolé, je ne suis pas médecin, mais j'aurais peut-être dû. Mais je serais probablement radié maintenant. Donc, des fois, je me dis, bon, je ne suis pas avocat, mais j'aurais peut-être dû, mais je serais radié. Hein? Bon. Oui, l'inconscience, oui. C'est juste ta remarque sur les écrivains pour la France. Alors, ça me choque. Ça me choque. Ça me choque vraiment. C'est Daniel Defoe, ça, qui écrit Robinson Crusoe, et ce n'est pas un Français. Pourquoi ils font lire ça aux enfants? Parce que vendredi, puis ça fait partie du vivre ensemble. En tout cas, je suis en retard ce matin. Ben, c'est moi qui est en avance. Bonjour, monsieur Pinard. Ben oui, d'habitude, j'y vais un petit peu plus tard. Mais bon, ce matin, j'ai déjeuné de bonne heure, puis bon, j'ai un petit peu mal à l'estomac. Ça m'apprendra à déjeuner avec les restes de la vie. Je n'ai jamais eu peur de la mort. Et oui, ça nous sert probablement dans toute cette folie. Voilà. Parce que la peur, c'est de la subjectivité. La peur est un mécanisme de survie qui vient pallier à un manque d'information ou à une restriction de la vue. Ben oui. Pourquoi la plus grande peur, c'est la peur de l'inconnu? Pourquoi la pire angoisse, c'est celle du vide? Parce que c'est de l'inconnu puis du vide, la peur. C'est aussi simple que ça, là. En tout cas, le plus bel éloge du Christ, je l'ai entendu de la bouche de BDM lors de sa première à la télévision. Il était interrogé. C'est bien possible. Ben là, il y a dû en avoir là, des éloges dans l'histoire, mais comme vous vous prenez comme référent, genre que vous, vous avez entendu, oui, c'est. Moi, dans ma famille, ça meurt ces temps-ci. Ils m'ont tous renié depuis le début 2020, frères, sœurs, ainsi c'est bien plate. Ah oh, oui. Ben, c'est pour ça, moi, que je donne pas mon. Je parle pas de ces choses-là à des proches. Puis je donne pas mon opinion à des proches. Ma famille, ils se doutent de ce que je pense, mais on n'en parle pas. Donc, ils n'ont pas le loisir de me renier. Je leur ai pas donné la. Bon, du coup. Ben, il y a une fois là, que j'ai perdu patience, là. J'ai quasiment traité une de mes tantes de folle. Ça va faire, là, parce qu'elle était là à nous faire la morale. Puis elle sait hein, que je suis pas. Puis que je suis pas tout seul. Là, le monde qui m'entoure non plus. Puis là, elle me fait le manager. Bon, là, ça va faire. J'avais hâte qu'elle parte. J'ai quasiment mis dehors. Ma voisine, elle a fait quatre. Ah oui, dis-moi, toi aussi, c'est gratuit. Ben oui, c'est l'argent des contribuables. Hein? Ah, c'est gratuit, c'est gratuit. Ils volent le monde, prennent l'argent des poches et achètent de la cochonnerie à des associations de malfaiteurs multirécidivistes condamnés pour charlatanisme. Puis après, ils donnent ça au monde en disant, c'est gratuit. Ça, c'est comme les rackets de protection de la mafia. C'est un service. Hein? C'est pour te rendre service, sinon on va t'envoyer une brique dans ta vitrine. Aussi, c'est gratuit dans les pharmacies, je sais plus quoi. Dire quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Ouais, mais le pire, c'est l'argent des contribuables. Combien de millions de vaccins qu'ils ont jetés, là? Trudeau. En tout cas, ça, ce gars-là, c'est une machine à multiplier le déficit. C'est une machine à multiplier la dette. Ouais. En tout cas. Pareil, ils font lire aussi les révoltés du Bonnetier au secondaire en ce moment. Avec toutes les classiques qu'il y a. Le problème, vous savez, c'est quoi? C'est que si on prend un roman de Victor Hugo, par exemple, au niveau du contexte historique et le niveau de littératie pour comprendre le contexte, les élèves l'ont pas. Fait qu'ils leur font lire des choses très simples. Robinson Crusoe, c'est pas compliqué le contexte. Il était le gars, il est naufragé sur une île. Il n'y a pas tout un contexte historique à comprendre. Ça prend pas une culture générale. Donc, bon. Moi, à Noël passé, ma famille a exigé que je fasse un test vu que je suis pas inoculé. Je suis resté chez moi. C'est ce que j'aurais fait aussi. Ben, moi, même à ma tombe, ben moi, lui, je ne suis pas allé nulle part pour Noël, là, je suis resté chez moi. Mais quelqu'un m'aurait dit, sorti ça, j'aurais dit, ben, il est là le test. Puis je dois le passer parce que je n'embarque pas. Merci, bonjour, bye bye. Donc, bon, c'est vous autres qui ne passez pas le test. Dans le fond, hein, c'est quoi le test? C'était quoi le test là-dedans? Pénurie de médicaments génériques au Québec, sirop pour la toux, etc., etc. Ouais, ça, c'est pas normal. Puis vous savez, ils ont essayé de faire croire que c'est à cause des Canadiens français puis du bilinguisme que, hey, non, il faudrait qu'il y ait des plaintes au conseil de presse, là, ça n'a pas de style de bon sens, là. Moi, mon sirop pour la toux, il est très facile à trouver, il est tout le temps disponible. Si vous ne trouvez pas. Au Québec, les gens aiment des cochonneries, là, le sirop Lambert, puis c'est dégueulasse. Bâclé, puis c'est épouvantable. Il y a un sirop à faire avec du sirop de loquat qui est fabriqué à Hong Kong. Le Ninjom Pe Pakwa. C'est le meilleur sirop que je connais pour la toux. Vraiment, puis il est pas cher, là. Moi, je le faisais venir de Hong Kong, des gros formats, puis ça me coûtait assez cher. Puis à un moment donné, je peux pas aller à une certaine épicerie, fait que je vais au Maxi. Qu'est-ce que je vois au Maxi? Mon sirop pour la toux à 4 et quelques, la petite bouteille. Oh oui, j'ai fait une réserve. J'ai fait une réserve. Puis c'est tellement bon au goût, ce sirop-là, que à Hong Kong, il y en a, ils font des cocktails avec. Ça vous donne une idée. Ça goûte la cerise noire. C'est vraiment excellent. Il y a des racines expectorantes là-dedans. Il y a voyons, l'espèce de radis japonais. Il y a beaucoup de choses. Mais c'est une recette qui a à peu près 350 ans. C'est au début des tigres. C'est un vieux médecin qui avait fait la recette. Puis c'est encore excellent. Je veux dire, c'est probablement le meilleur sirop pour la toux qu'il n'y a pas. Vraiment. L'esprit cherche à faire évoluer l'homme. Pourquoi? En tout cas, vous parlez en direct du Tim Hortons, ma nouvelle adresse. Je vous parle en. Ah oui! Oh, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas à la rue. Bon, ben. Ouais, non, je ne sais pas quoi vous dire. Ça donne le goût d'avoir mal à la gorge. Bon, l'esprit cherche à faire évoluer l'homme. Pourquoi? Ben, parce que c'est des forces évolutionnaires. Pourquoi? C'est nous autres, ça, qui pensons comme ça au niveau de notre psychologie. Pourquoi? Pourquoi? Les forces évolutionnaires, ça ne marche pas par le pourquoi. Ce n'est pas une affaire de but, c'est une question de dynamisme et de mécanique. Donc, l'esprit sert à faire, cherche à faire évoluer l'homme. Pourquoi? Ben, parce que c'est dans sa nature. C'est comme si vous posez une question comme ça. Souvent, vous allez vous faire répondre des affaires. Moi, en tout cas, si je pose des questions comme ça, je vais me le faire dire que ma question n'est pas. Ils vont dire parce que. Pour m'envoyer. C'est une façon de m'envoyer promener. Mais c'est comme. Bon, quand l'eau se condense dans le ciel, elle retombe. Pourquoi? C'est des lois naturelles. C'est pas une question de pourquoi, c'est une question de comment. Hein? C'est pas une affaire de comprendre, c'est une affaire de le prendre. C'est pas une affaire c'est pas une affaire de compréhension, c'est vraiment une question de vue. Donc, bon. Esprit, moi, oui. Bonjour, une amie travaillant en laboratoire fabriquant les tests PCR a compris que c'était un amplificateur de. Voilà. Ben, c'est un amplificateur de n'importe quoi. N'importe quoi. Au Québec, à un moment donné, je pense qu'il était rendu à. C'était des PCR à 40 cycles. À ce niveau-là, là, le test PCR, vous le promenez dans n'importe quoi, il va être positif. Même, je pense, vous n'avez même pas juste à le sortir du chose et le remettre. Puis ça va être. Bon, en tout cas. Mais Hugo a un passif historique vert clair que les enfants d'aujourd'hui n'y comprendraient rien. Mais du même auteur, l'art d'être grand-père est sympa à lire. Peut-être un difficile pour les collèges. Ouais, mais vous savez, à l'époque des enfants de 8-9 ans, ils pouvaient lire Victor Hugo. Aujourd'hui, des jeunes gens dans la vingtaine ne le comprendraient pas. Donc, c'est le constat d'un échec de l'éducation nationale en France puis de l'éducation publique au Québec. C'est un échec total. Un échec total. Le but de l'école, c'est d'augmenter le niveau de littératie après avoir appris à lire, écrire, puis apprendre à compter, puis être capable de se situer géographiquement puis socialement dans le monde. Pas des conneries comme on nous parle, là. Moi, déjà, à l'école, quand j'étais enfant, c'était déjà n'importe quoi, puis je le disais. Puis j'avais des problèmes à cause de ça. Je le disais. Il y avait moi, quand j'étais au secondaire, quand je suis arrivé au secondaire, il y avait les derniers temps d'une affaire qui appelait FPS, Formation personnelle et sociale. Puis c'était de la merde. C'est une pure perte de temps, puis je le disais. Puis je me ramassais à la direction. Qu'est-ce qu'il y a, t'as encore dit? Oui. Démontrez-moi que j'ai tort. Ils n'ont jamais été capables. Ils n'ont jamais été capables. Puis là, il était là. On n'a pas à argumenter avec toi. Ah ouais? Ben merci, bonsoir. D'abord, je m'en vais. Non, non, non, non, non, non. Je vais tout le temps m'en rappeler de l'école. Il a tout fallu que j'apprenne tout seul. Il a fallu que j'apprenne à lire et à écrire tout seul. Il a fallu que j'apprenne à compter tout seul. Il a fallu que j'apprenne l'histoire tout seul. Il a fallu que tout ce que je sais, je le sais par moi-même. Gang de. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu mon professeur de troisième année au dépanneur hier. Elle venait s'acheter des chips puis du Pepsi Diète. Mon opinion sur elle n'a pas changé. C'est une grosse tarte. C'est ça qui enseigne à nos enfants en majorité, des grosses tartes. Puis, je ne dis pas ça à la légère, des grosses tartes. Ben, il y en a qui sont corrects, il y en a qui ont bien du bon sens, mais sont en minorité. Bon. Bon. Bon, j'étais où là? Je m'excuse là. Je vais devoir cesser parce que je commence à dire des conneries. Nous sommes ici pour évoluer, sinon on n'y serait pas. Et voilà. Mais même là, c'est une question de mécanique à mes yeux, pas de but au sens où nous, on l'entend. L'homme, il devrait évoluer, mais il est loin de l'évolution. Ben, disons que ça commence à peine. Puis c'est pas une évolution au sens darwinisme. C'est pas du darwinisme, ça n'a rien à voir. Donc, quelle horreur. Disons que l'évolution dont je parle pourrait englober le darwinisme, mais elle ne pourrait pas être englobée par lui. C'est trop restreint. La réponse facile. Ouais, ben, c'est parce que, vous savez, il y a des questions des fois qu'on se pose simplement parce qu'on est psychologique. Pourquoi la menthe religieuse veut décapiter le mâle après l'accouplement? Parce que c'est comme ça. C'est encore des lois. Ça crée une sélection. Puis même là, même sans vouloir ramener Darwin, il reste que c'est ça pareil. Un mâle qui n'est pas capable de protéger sa vie, il est aussi bien d'accoupler moins de femelles. Puis là, jusqu'à un certain point, bon, c'est parce que là, c'est des êtres, ben, les insectes, c'est un petit peu comme des végétaux articulés. C'est pas comme l'humain, là. On peut pas voir ça d'une façon morale. Sinon, on va subjectiver la nature par notre observation psychologique. Puis c'est pas psychologique, la nature. Ces lois-là. Nos questions sont psychologiques. Les réponses ne peuvent pas l'être si c'est réel. Parce que le réel, c'est pas psychologique. Donc, l'homme ne doit pas chercher à évoluer, mais à vivre intelligemment, sinon il spiritualise son rapport à l'esprit. Ben oui. Puis, c'est pas juste selon BDN, là. Si on lit entre les lignes comme Krishnamurti puis d'autres, c'était su. Donc, bon. C'est quoi? C'est comme il y en a parfois, comme la philosophie, c'est devenu autre chose que ce que c'était au début, c'est-à-dire qu'on s'est supposé être vivre intelligemment. C'est supposé être ça, l'amour de la sagesse. Mais non, on est tombé dans des affaires. En tout cas, dans les années 70, c'était Balzac qu'il fallait lire et j'étais pas capable de lire Balzac, ça m'ennuyait énormément. Ouais, ben c'est le début du roman social. C'est le début du. C'est un petit peu comme vous, vous auriez peut-être plus aimé Hervé Bazin. Ça brosse pas mal, hein? La commode, là, puis c'est tout ça, l'armoire, la commode, une chicane d'héritage là-dedans. Il y a Vipère au poing. Moi, je l'ai lu étant enfant, puis ça fesse, hein, ça fesse. Après, quand j'ai revu les films qu'ils ont fait après, il s'est très adouci, les films. C'est loin d'être aussi violent. Je me rappelle, ils ont refait un film avec Catherine Froux, puis là-dedans, quand la mère, elle arrive, du fait place, puis elle tasse ses enfants. Dans le roman, c'est pas ça qui se passe, hein. La première chose que les enfants reçoivent de leur mère, c'est des tapes d'en face. En sortant du train, paf, paf, elle les tasse. Les autres sont là, maman, maman, paf, paf, dégagez mon chemin. Bon, mais c'est un petit peu dur à lire. Pas dans le sens que ça prend un niveau de littératie terrible et tout, mais dans le sens que les personnages sont horribles. Sont horribles. Puis on assiste au trempage de caractère d'un enfant. Par le fait que sa mère, au fond, l'élève pour qu'il devienne un caractère, dans le fond. Prenez le film hollandais qui s'appelle Caractère, justement. Là-dedans, il y a un huissier, Otto von Gragerhaven, puis il passe toute l'histoire à maltraiter son fils. Puis à la fin, son fils, il est devenu un grand avocat, c'est un grand monsieur, puis. Puis son père finit par lui dire, c'est grâce à moi. Parce qu'à un moment donné, son fils le confronte et dit, pourquoi tu m'as maltraité toute ma vie? Il dit, pour t'élever. C'est ça qui a fait toi quitter maintenant. Puis vous savez ce qui fait le bonhomme? Il se suicide en essayant de faire passer ça comme un meurtre sur le dos de son fils pour que son fils ait à se défendre encore une dernière fois puis à sortir de la merde. C'est pas ça l'amour? C'est pas ça un père aimant? Dans le fond. Une surveillante à l'école de ma fille passe son temps à les acharler sur leurs habillements. Elle est obèse. Ben ouais, jalouse. Ben, et voilà. Je me souviens, ça, il y en avait une à l'école que les profs la lâchaient pas, puis la traitaient de petite putain, puis... Ah! C'est des madames qui ont la foufoune qui le chatouille, là, ils aiment pas ça, hein? Ça, voir des belles jeunes filles. Bon, ben oui, c'est ça. C'est des grosses frustrées. Des grosses crises de frustrées. Puis même, c'est pareil, les hommes, de plus en plus, les professeurs masculins, c'est des grosses crises de frustrées. Dans le sens que c'est ça. Moi, j'ai connu ça à l'école, des hommes, que ça était des grosses crises de frustrées, dans le fond. Puis bon. Puis il fallait être gentil, puis avec du monde qui nous respectait pas, dans le fond. Il fallait être respectueux. Je m'en suis tout le temps souvenu, puis quand j'en croise un sur le trottoir, il regarde à terre. Ils savent que je me souviens de ce bout. Mais bon. Je suis sur la route présentement, mais à l'écoute. Pas moi qui conduis. Ah, OK. Moi, parce que sinon, ça peut être dangereux, hein, dedans. Bonjour Berthel du Québec, bonjour. Hey Benoît. Oui, Rénoviction, et ici, il n'y a plus de logements. Dommages collatéraux d'une société au bord de l'implosion. Ouais. Ben, on s'en va vers une crise économique. Hein. Donc, bon. Les services de garde sont en pleine grosse tarte aussi. Ben oui. Ben, vous savez, prenez les professeurs d'école. Pensez-vous que s'il y avait la capacité au niveau académique de devenir, prenez quelqu'un qui enseigne les sciences, c'est parce qu'il n'est pas capable d'être scientifique dans le fond. Sinon, il y a beaucoup de gens frustrés qui deviennent enseignants par dépit, parce que tout simplement, ils n'ont pas le niveau du domaine dans lequel ils ont étudié, donc ils finissent par l'enseigner plutôt que le pratiquer. Ça donne ce que ça donne. Donc, bon. L'école, j'ai appris le russe. J'ai posé la question à ma prof, pour quelle raison pas une autre langue? Elle dit, un jour, vous allez voyager avec un avion. HM, là, il parle russe. Ah, ouais. Le russe, ça a l'air tellement compliqué à apprendre. Je suis persuadé que le cantonais est moins dur à apprendre. J'ai essayé un petit peu le cantonais, mais j'ai de la misère avec les intonations. Il y a le japonais, ça c'est facile. Dans les langues les plus faciles à apprendre. Je connais un gars, il l'apprend 6 mois. Ouais. Même à un moment donné, j'ai arrêté d'écouter des films japonais sous-titrés parce que j'étais en train de comprendre sans lire les sous-titres, puis ça m'a fait peur. J'ai commencé à voir. Faut que j'arrête d'écouter ces vieux films-là. Je vais finir par, malgré moi, par l'apprendre. De la même façon que j'ai appris l'anglais, malgré moi. C'est vraiment malgré moi, là, j'ai jamais fait aucun effort. Mais c'est à force de. Bon. En tout cas, me rends compte que je ne me pose plus de questions. Ben non. Au fond, à un moment donné, Bernard était choqué. Il dit, si le monde était conscient, il n'y en aurait pas de questions, il n'y aurait rien de réponse. Bonjour à tous, voici l'indésirable. On ne pensait même pas à toi, donc il ne peut pas avoir de désir ni de contre-désir. Dans le fond, ça ne me venait pas à l'idée. Mais si tu es tout le temps en posture de victime, puis que tu cherches rien qu'à me prendre en défaut, puis que tu es tout le temps désagréable, on n'aura plus le loisir de te voir. Alors, je vais m'arranger pour que ça n'arrive pas, parce que c'est tout le temps déplaisant. Hein? C'est pour ça que je pensais peut-être qu'en un an, tu aurais vu que ben, des fois, ce n'est pas ajusté. Des fois, c'est pas ajusté, puis c'est déplaisant. Fait que, mais moi, ça me disait, non, non, débloque-les pas. Mais moi, je crois pas, fait qu'il fallait que je vérifie. C'est pas normal qu'à chaque fois que j'ai un contact avec quelqu'un, j'ai l'impression de m'en faire cracher d'en face, puis que ça laisse un arrière-goût déplaisant. Hein? À un moment donné, là. Si tu veux pas être l'indésirable, arrange tout pour pas être indésirable. Bon, je t'ai rendu où, là? J'avais de lâcher, là. Ça fait 1 heure. Puis je me suis mis cette règle-là de faire juste 1 heure. De toute façon, il faut que j'aille changer le titre, là. Mathieu Berthel m'a dit, comme toi, que mon nom était polarisé. Je change. Non, ben, c'est parce que. L'amour, c'est pas polarisé. Le principe de l'amour, il n'est pas polarisé. Mais dans la psychologie humaine, il l'est. C'est la polarité de la haine. Puis, la vérité, si on la prend au sens le réel, c'est pas polarisé. Mais dans la psychologie humaine, ça l'est. C'est la polarité du faux. Donc, Bazin, ça me dit quelque chose, oui. Vipère au poing, ça me parle. Ben oui, c'est toute une histoire, ça. Toute une histoire. Bonjour, Estelle. Fergus, ah oui. Je te montre comment, si tu veux. Ah oui, quoi, ça? J'en ai manqué des bouts. Vipère au poing, pas mal. Oui, son autrement aussi, pas mal. Voyons. Je pense que c'est l'armoire. C'est une histoire de chicanerie, d'héritage. Bazin, lui, c'est de montrer l'hypocrisie de la famille. C'est quelqu'un qui a déconstruit la famille d'une certaine façon. C'est du roman psychologique. Mais pas un roman psychologique, genre comme. Voyons, comment est-ce qu'il s'appelait, lui Le Rouge et le Noir, là. C'est épouvantable. Je l'ai lu, ça, Le Rouge et le Noir. Bon, tu sais que c'est horrible. Quelle histoire horrible. Quelle histoire horrible. C'est vraiment horrible. En plus, on finit, on s'identifie au personnage, hein, puis ça finit tellement. Voyons, Stendhal. Supposément que c'est le premier à avoir le roman psychologique. Mais c'est pas le même, là. C'est pas le même genre. Pas du tout. Amour, vérité. Bon. On s'en fiche. Ouais. Bon, question purement épicurienne. Quel est ton plat et ta boisson favorite? Ben moi, j'aime tout. Je suis pas difficile. Même étant enfant, j'étais pas difficile. Je suis moins difficile que mes parents. Je suis la personne la moins difficile que je connais. J'aime tout. Puis, ma boisson favorite, je dirais que c'est le café. Mais ça, c'est circonstanciel. C'est parce que c'est ce que je bois le plus. Mais c'est pas nécessairement ce que j'aime le plus. Mais bon, on a les. Bon. J'ai bien aimé L'homme qui rit. Ah! C'est encore une histoire. Là, on est dans de l'horreur sociale. Je dirais, c'est de l'horreur sociale. C'est tellement triste, ces affaires-là, ces histoires-là. Après, ils en ont fait des films, puis c'est. Il y a le côté horreur un petit peu. Puis pourtant, le mal n'est pas loup. C'est spécial. Mais Victor Hugo, bon, c'est un humaniste au sens de son époque. C'est quelqu'un aussi qui militait pour éduquer la population, si on peut dire l'humaniser, un petit peu comme Jeannette Bertrand, à sa façon à lui. Mais bon, je vais être franc avec vous, je ne suis pas un fan de Victor Hugo. Je suis un fan de Napoléon III. Non, c'est une joke. Mais moi, tout, je l'aurais envoyé en exil, peut-être. Bon. Je commence à dire des conneries, il faut que j'arrête. Je vais lire les derniers, là. J'ai bien aimé L'homme qui rit, comme le film avec O.D. Ah, oui, oh, je sais pas de quel. Ils ont refait un film. Quand j'avais vu L'homme qui rit, c'était un film. Il me semble que c'était un film en noir et blanc. Ça fait longtemps, là. L'enfer, l'école pour moi aussi. Moi, ben, c'était l'enfer. En même temps, c'était belle fun. Bon, j'étais. Bon. Les premières années, moi. Ben, moi, je suis surtout les professeurs. C'est la direction. Les jolies, c'est pas super. Secondaire 1, mon fils a dû lire Amnésia, un livre super violent et sordide sur le trafic d'organes humains. Je ne comprends pas qui fait ses choix. Ben, ça n'a pas de bon sens non plus. Il traite ses enfants durement. Il trivrogne. Moi, faut pas s'arrêter sur la forme de Alf. Je bouffe pas des chats, j'ai pas dit ça n'a pas rapport. Mais personne qui s'est arrêté sur la forme de Alf, étant donné que c'était extrêmement plate, puis qu'il n'y a personne qui est fan de cette série-là. Il y a eu aussi Daniel Kemp à la même époque. Ouais. Après, il y a eu. Bon, en tout cas, il y en a pas mal, pareil, là. Ménard, je ne l'ai pas écouté assez pour être fixé. Une fois, je l'écoutais, puis il parlait qu'il était allé dans l'astral, puis il tuait du monde avec ses yeux, avec des rayons laser. Puis de... OK. Bon, j'ai un petit peu de misère avec ça. Bon, pas si insidérable que cela dans certains auditoires, moi. L'éducation nationale, dont tous ces profs, certainement en lien avec la mauvaise information. Ben, c'est quoi de l'éducation nationale? C'est du formatage. Une enseignante m'a déjà dit, je te connais ton dossier et ça d'épée devant toute la classe. Elle m'a humilié. Elle a pris un élastique et l'a coupé en disant que c'était sa relation entre moi et elle. Ben, tu parles d'une folle. Ça n'est pas ça de l'intimidation puis la cruauté psychologique. Moi, il y a des profs qui sont essayés avec moi puis ça ne marchait pas. Hein. Puis ils se faisaient avertir par la direction, fais ben attention. Parce que si tu dis un mot de trop, le jeune, il se lève puis il part en claquant à la porte. Ils n'ont pas vu ça souvent, dès la première année. Hein. Puis moi, si je chantais que... Il y a même un prof une fois, là... J'étais assis dans la classe, puis c'est la première fois qu'on a ce professeur-là, puis il arrive, puis il dit, « Bon, là, je vais vous le dire tout de suite, là, si vous ne m'aimez pas à la face, s'il y en a qui ne m'aiment pas à la face, là, t'as rien qu'à te lever, puis à t'en aller. » Moi, j'avais rien contre ce professeur-là, je ne le connaissais pas, mais de la façon, c'était ça son introduction à sa classe. J'ai pris mes affaires, puis je me suis levé, puis je m'en allais. Bon, je vais devoir quitter, malheureusement, le téléphone sonne. Je lui dis, « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Ben, je fais ce que tu m'as dit. Bon, je vais devoir quitter. Désolé. Au revoir.